nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 4 années de comédie française, elle avait joué dans 22 pièces, des rôles de soubrette comme des rôles tragiques. À la comédie française, elle n'était pas entrée pour y rester. L'envie d'aller voir ailleurs. Jeanne Moreau existait professionnellement avant la comédie française. Elle allait exister et comment après la comédie française. Distinguée, comique, elle est tout à la fois, disait d'elle Jean Marais, lorsque fut diffusée Les clés du succès qui viennent. Nous étions le 14 mai 1955 sur Paris Inter. Les clés du succès, une émission de Paul Bodin et Marcel Mitois, réalisée par Jean Chouquet. Une vie, une carrière. Aujourd'hui, Jeanne Moreau, présentée par Jean-Claude Michel et Paul Emmanuel. Avec la présence de Jean Meyer et Jean Marais. Le choc théâtral, je l'ai reçu pour la première fois à 17 ans, nous a dit Jeanne Moreau, en voyant Marie-Belle jouer Phèdre. De ce jour-là est née ma vocation. De ce jour-là, oui, j'ai été passionnée, non pas par le théâtre, mais par une actrice et par un personnage. Enfin, je trouvais extraordinaire de voir quelqu'un sur une scène pouvoir exprimer de tels sentiments. Je pensais pas que je ferais du théâtre. Mais c'est à ce moment-là que le virus a commencé à faire ses... ravage, puisque j'ai commencé à prendre des rôles. Pour les jouer en famille ? Non, pas en famille, non, parce que mes parents n'auraient pas voulu entendre parler de théâtre. D'ailleurs, à l'époque, je faisais mes études, je préparais mon baccalauréat, et s'ils avaient entendu un bout de tirade, ils m'auraient vite renvoyé à mes sciences naturelles. Non, j'apprenais les rôles pour moi, toujours de la tragédie, et je ne rêvais pas encore de les jouer. Vous les appreniez, simplement ? Oui. Mais lorsque vous avez passé votre bachot, alors ? Ah, j'espérais le passer pour avoir un cadeau, et je voulais demander à mes parents justement de me payer des cours de diction. Seulement, j'étais recalée. Alors, j'ai fait part à mes parents de ma défaite, mais je leur ai demandé de me faire suivre des cours. La récompense quand même. Oui, quand même, la récompense. Mais ils n'ont pas accepté. Alors, à l'époque, j'avais trois amis qui avaient l'habitude d'aller très souvent au théâtre, qui connaissaient tous les acteurs, qui avaient une grande admiration pour Maria Cazares en particulier, qui, à l'époque, jouait Le Voyage de Thésée au Théâtre des Mathurins. Pour moi aussi, ça a été une très grande surprise, un très grand plaisir de voir Maria dans cette pièce. Puis il y a une autre pièce aussi qui m'avait beaucoup impressionnée à l'époque, que j'avais vue toujours au poulailler, c'est l'Antigone d'Anouilh. Oui. Et alors vous êtes laissé tenter quand même par ce métier. C'est-à-dire que j'allais en coulisses demander des autographes. Je voulais les autographes de Marie-Belle, je voulais l'autographe de Maria Cazares. Et j'ai rencontré des acteurs parmi lesquels il y avait Michel Auclair, Daniel Hivernel. Je leur parlais de mon désir de faire du théâtre, de vouloir suivre des cours. Et seulement, je voulais absolument rencontrer quelqu'un qui soit très sévère et qui me dise, enfin, qui puisse, je ne dis pas qu'il puisse prévoir l'avenir, mais qui me dise si je pouvais travailler pendant quelques années pour essayer d'entreprendre ce métier. Mais vos parents dans tout ça ? Eh bien, mes parents n'étaient pas très, très au courant. Et alors, qui fut ce conseiller ? Ce conseiller fut Denis Dinès. J'avais beaucoup entendu parler de Denis Dinès, il faisait beaucoup peur, il faisait très peur aux jeunes comédiens, aux élèves en particulier. Alors je me suis décidée d'aller le voir à son cours à la salle Pleyel. Est-ce que vous avez fait peur aussi la première fois ? Oui, ça j'avais très peur. Oui. Alors j'ai passé une scène de tragédie naturellement. Je lui ai passé Junie de Britannicus. Il m'a demandé mon âge, il m'a pas cru et... il m'a dit que c'était pas du tout mon affaire, il fallait que je travaille des soubrettes de Marivaux. Ce n'était pas tout à fait le même registre. Non, mais j'étais très scandalisée parce que j'avais absolument pas envie de jouer des rôles comiques. Je n'avais envie de jouer que de la tragédie. Peut-être le souvenir de Marie-Belle dans Phèdre. Oui, certainement. Certainement, puis Maria aussi était une comédienne dramatique. Monelle Valentin que j'avais vue dans Antigone. Enfin, j'étais surtout attirée par les sentiments passionnés et amoureux. Et alors, vous avez travaillé avec Denis Dinès. Oui, j'ai travaillé avec Denis Dinès pour mon entrée au conservatoire. J'ai travaillé Lisette du jeu de l'amour et du hasard, mais je me suis quand même présentée dans un rôle dramatique, Camille, dont on ne banine pas avec l'amour. Voulez-vous nous en dire un passage, sans le trac du concours? Savez-vous ce que c'est que les cloîtres, père Dican? Vous êtes-vous jamais assis un jour entier sur le banc d'un monastère de femmes? Je m'y suis assis. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans et qui a eu 500 000 livres de revenus à l'âge de 15 ans. C'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre. Elle était pairesse du Parlement et avait pour mari un des hommes les plus distingués de France. Aucune des nobles facultés humaines n'était restée sans culture en elle. Et comme un arbrisseau d'une sève choisie, tous ses bourgeons avaient donné des ramures. Jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne fleurie sur un front plus beau. Son mari l'a trompée. Elle a aimé un autre homme. Et elle se meurt de désespoir. Cela est possible. Nous habitons la même cellule, et j'ai passé des nuits entières à parler de ces malheurs. Ils sont presque devenus les miens. Cela est singulier, n'est-ce pas? Je ne sais trop comment cela se fait. Quand elle me parlait de son mariage, quand elle me peignait d'abord l'ivresse des premiers jours, puis la tranquillité des autres, et comme enfin tout s'était envolé, comme elle était assise le soir au coin du feu et lui auprès de la fenêtre sans se dire un seul mot, comme leur amour avait langui, et comme tous les efforts pour se rapprocher n'aboutissaient qu'à des crêles, comme une figure étrangère était venue peu à peu se placer entre eux et se glisser dans leur souffrance, c'était moi que je voyais agir tandis qu'elle parlait. Quand elle disait « Là, j'ai été heureuse », mon cœur bondissait, et quand elle ajoutait « Là, j'ai pleuré », mes larmes coulaient. Mais... figurez-vous quelque chose de plus singulier encore. J'avais fini par me créer une vie imaginaire. Cela a duré 4 ans. Il est inutile de vous dire par combien de réflexions, de retours sur moi-même, tout cela est venu. Ce que je voulais vous raconter comme une curiosité, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves, portaient votre ressemblance. La ressemblance à moi? Oui. Et cela est naturel. Vous étiez le seul homme que j'eusse connu. En vérité, je vous ai aimé, père Dican. Et c'est grâce à cette scène que vous avez été prise comme auditrice au conservatoire. Oui. C'était merveilleux pour vous. Oui, c'était merveilleux, mais enfin j'étais quand même un peu déçue parce que j'espérais être prise comme élève. Pour un tas de raisons, non pas que j'étais pressée, mais ne serait-ce que vis-à-vis de mes parents. Mais j'ai quand même eu de la chance parce que pendant l'année, on a formé une nouvelle classe dans laquelle j'étais admise à la suite d'un concours qui était réservé aux auditeurs. Justement, j'étais admise à l'unanimité dans un rôle de tragédie. Ah. Oui. Quel rôle? Iphigénie? Iphigénie. Et alors là, j'ai retrouvé mon professeur Denis Dinès. Alors vous étiez là tout à fait installée au conservatoire? Eh bien, installée, c'est une façon de parler. J'ai suivi mes cours jusqu'au mois de juin. Mais j'ai rencontré par un camarade, Jean Levray, qui a joué avec moi à la terrasse de midi au Festival d'Avignon. J'ai rencontré Jean Villard, qui cherchait une jeune première et qui m'a fait passer une audition. Et ce qui fait que grâce à cette audition, j'étais engagée par Jean Villard et j'ai eu la chance de participer au premier Festival d'Avignon de 1946. Pour la terrasse de midi et... Oui, pour la terrasse de midi. Et vous voilà partie en Avignon avec Villard, Michel Bouquet, Germaine Montero. Oui. Et pour vous qui n'aviez jamais joué devant le public, est-ce qu'avoir devant vous les gradins d'Avignon noirs de monde, est-ce que cela ne vous a pas trop impressionné? Eh bien, devant les gradins d'Avignon noirs de monde, je n'ai joué qu'une... une suivante de Richard II, et j'ai joué la vigne dans Toby et Sarah de Claudel, parce que la pièce de Clavel, nous l'avons jouée dans le théâtre. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très très bien passé. Mais quand je suis revenue à Paris, j'ai repris mes cours au conservatoire. Et là encore, la chance est intervenue une seconde fois. Pendant l'année 47, J'apprends un jour, par hasard, enfin c'est-à-dire par hasard au conservatoire, on est très intéressé par tout ce qui se passe à la Comédie Française, parce qu'on espère toujours y rentrer. Et j'ai appris que Meyer cherchait une jeune première pour une pièce de Tourguenieff, un mois à la campagne, qu'il mettait en scène à la Comédie Française. Et vous vous êtes précipitée ? Non, je ne me suis pas précipitée parce que j'avais appris entre-temps qu'une jeune fille répétait déjà le rôle. Mais le hasard fait bien les choses. Vous avez joué tout de même un mois à la campagne. Oui, je l'ai quand même joué. À l'époque, j'étais prise comme élève du conservatoire pour jouer un petit rôle dans une pièce à la Comédie Française qui arrive souvent. Je jouais une sœur de la petite Mancini dans Le lever du soleil de Madame Simone. Et là, j'ai fait la connaissance de deux pensionnaires de la Comédie Française, Jacques Lancy et Jacqueline Duc, qui ont parlé de moi à Jean Meyer. Ce qui fait que celui-ci m'a fait contacter et m'a demandé de venir au Théâtre Français. Il m'a fait lire une scène de la pièce. Il ne m'a pas engagée, non. Il m'a dit que je jouerais la pièce comme élève du conservatoire. Et à la suite de la générale, comme tout avait très bien marché, j'ai été engagée comme pensionnaire et j'ai signé mon contrat de pensionnaire le jour de mes 20 ans, le 23 janvier 1948. Un joli cadeau d'anniversaire. Oui. Et vous avez eu une excellente presse. Et vraiment, tout allait pour le mieux. Oui. Ça a été pour moi merveilleux et on peut dire que Jean Meyer a été ma seconde et sérieuse chance parce que presque toutes les pièces que j'ai jouées au Français étaient montées par lui. Je lui dois une très grande partie de mon éducation artistique. Et j'aime beaucoup Jean Meyer parce que il a une intransigeance et une faculté de travail assez extraordinaire. Je crois qu'il y en a un autre qui est comme lui, c'est Raymond Rouleau. Et ça, ça m'a beaucoup servi. Parce que après 4 années de Comédie Française et de travail avec lui, même sans lui, j'ai gardé cette rigueur. Je ne peux pas travailler sans ça. Eh bien, Jean Meyer, qu'avez-vous pensé de l'élève du conservatoire Jeanne Moreau lorsqu'elle a passé devant vous cette audition à laquelle elle faisait allusion tout à l'heure ? En septembre-octobre 1947, je montais un mois à la campagne de Tourguenieff à la Comédie Française et je recherchais pour un rôle très important, le rôle de Verochka, qui est un des rôles essentiels de la pièce, une jeune fille de 16 ans qui soit ardente et passionnée. Et je la cherchais en vain, j'avais fait toutes les classes du conservatoire et j'avais essayé déjà plusieurs élèves qui d'ailleurs étaient charmantes mais qui ne correspondaient pas peut-être exactement au rôle enfin tel que je le voyais. Et j'étais assez désespéré quand une camarade m'a dit « Est-ce que tu as vu une élève du conservatoire qui s'appelle Jeanne Moreau ?» Et je lui ai dit non, et pourtant j'ai été à toutes les classes, et notamment j'avais été encore le matin même à la classe de littérature. Mais il se trouvait que Jeanne Moreau séchait la classe de littérature. Et elle a failli, pour cette raison, ne pas jouer le mois à la campagne. Et heureusement, j'ai su son nom, je l'ai vu, et mon Dieu, l'histoire commence et s'arrête là, parce que c'est assez difficile à expliquer, mais entre comédiens, on se comprend tout de suite, et il ne faut pas plus de 30 secondes pour s'apercevoir qu'une fille comme Jeanne Moreau est une comédienne, et non pas une actrice. J'ai tout de suite été séduit, évidemment, par sa violence, par sa confiance en elle-même, parce que elle doutait moins d'elle-même à cette époque-là qu'elle peut peut-être en douter maintenant. Et elle avait une violence, une passion du théâtre. Rien ne pouvait l'effrayer. Et la première répétition, c'était exactement ça. Et je ne peux même pas dire qu'elle ait fait des progrès au cours des répétitions, car elle était idéalement le personnage. D'ailleurs, elle a eu un triomphe le soir de la première représentation, le triomphe mérité, qui n'était pas un triomphe d'un soir, puisque la suite l'a prouvé. À mon avis, elle a joué ce rôle remarquablement, et aussi un qu'on ne cite jamais quand on parle d'elle, et qui est un rôle extrêmement difficile, c'est celui de Mariquita dans L'occasion de Prosper Mérimée. Mais en étant engagée au Français, vous coupiez au concours de sortie du conservatoire ? Oui, moi j'étais désolée parce que j'avais toujours rêvé passer le concours de sortie. Parce que pendant que je suivais mes études, j'allais assister au concours de sortie du conservatoire. Mais j'ai continué quand même, à la suite de mon engagement au Français, j'ai continué quand même à suivre les cours de Denis Dinès pendant un an. Qu'avez-vous joué au Français ? Oh, j'ai joué beaucoup de choses. J'ai joué 22 pièces en 4 ans. 22 ? Oui. Alors les classiques du répertoire, les jeunes premières, naturellement que toutes les jeunes comédiennes du Français se passent à tour de rôle. Et puis j'ai créé Les Caves du Vatican, j'ai rejoué Le Chant du Berceau, c'est une pièce espagnole qui fait beaucoup pleurer. L'occasion de Mérimée et Les temps difficiles d'Édouard Bourdet que j'ai joué après Moni Dalmès. Bref, soubrette tétragénienne. Oui. Je suis versatile maintenant, mais là je l'ai été par la force des choses, parce que en général quand une comédienne est engagée à la Comédie Française, on l'emploie selon les besoins, parce que quelquefois il y a des tournées, il y a le théâtre Luxembourg qui absorbe pas mal de comédiens, alors quelquefois pour la commodité des distributions, on fait jouer à des comédiens des rôles qui ne leur sont pas particulièrement destinés. Oui, bien sûr. Oui. Et vous avez malgré tout quitté le français. Oui, j'ai quitté le français au bout de 4 ans. C'était pour moi un tournant important parce que lorsque je suis entrée au français, je n'y suis pas entrée avec l'esprit de rester. Enfin, j'y suis rentrée avec une grande joie et j'en suis partie absolument sans déception. Ce qui comptait pour moi, c'était surtout le théâtre. J'étais très contente d'y jouer. Mais à ce moment-là, quand il a été question de sociétariat, j'en ai parlé à des amis, j'ai lu le contrat, j'ai appris qu'il fallait que je reste encore 16 ans. Alors j'ai fait le compte, je me suis dit j'ai 24 ans, 24 et 16, ça fait 40. Si à 40 ans, on me dit vous devez partir, qu'est-ce que je vais faire? Alors, et puis comme je savais ce qui se passait, enfin j'y étais restée pendant 4 ans, c'est un peu l'habitude, le mariage. Oui. J'avais envie d'aller ailleurs. Mais lorsque vous avez quitté la Comédie Française. Oui. Alors, vous avez travaillé avec Villard, avec, je crois. Oui, avec Jean Villard. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai eu envie de partir, Villard et Gérard Philippe m'avaient demandé de venir jouer avec eux au Festival d'Avignon. Mais à l'époque, il n'était pas encore question du Théâtre National Populaire. Et après avoir quitté la Comédie Française, je suis partie tourner un film en Italie. Lorsque je suis revenue, j'ai appris que Jean Villard avait le TNP. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il m'a proposé de commencer la saison avec lui et de jouer le prince de Hombourg au Théâtre des Champs-Élysées. Vous avez joué autre chose aussi. Oui, et j'y suis restée un an jouant aussi Nucléa et La Nouvelle Mandragore, toujours avec Gérard Philippe, non seulement comme acteur, mais comme metteur en scène. J'aimerais parler de Gérard Philippe. Gérard Philippe, et pour moi, non seulement pour moi, mais pour beaucoup d'autres, un acteur absolument extraordinaire. Mais ça a pour moi été aussi une expérience. Une expérience au début, pas malheureuse, non. Mais le premier jour que je me suis trouvée en scène avec lui, j'avais quelques complexes. D'abord, vous savez, on parle toujours des comédiens qui sortent de la Comédie Française. On dit qu'ils jouent Comédie Française. Moi, j'y étais restée 4 ans, je me disais, ma foi, je joue peut-être Comédie Française. Je ne savais pas très exactement ce que ça voulait dire. Et puis, je me suis trouvée en face d'un être qui avait été particulier pendant la répétition, mais qui, tout d'un coup, a crevé un plafond. Vous l'avez découvert en scène, la présentation. C'est-à-dire que, oui, c'est comme si c'était quelqu'un qui fait 36 de température et puis tout d'un coup, vous faites 40. Mais moi, je faisais toujours 36,5, 37. Et alors, justement, j'en reviens à ce dont parlait Jouvet, ce second stade que traverse le comédien, qui est le stade du sang-froid et de l'objectivité. Et tout d'un coup, en face de lui, j'étais absolument, totalement objective. J'étais même spectatrice. Et j'ai été spectatrice de Gérard Philippe pendant 7 mois. Et je souffrais terriblement en jouant la comédie, en jouant le prince de Hombourg. J'étais ravie de la jouer avec lui, mais je souffrais. J'essayais de me hausser, enfin, même physiquement. J'éprouvais enfin des douleurs. Ah oui, ça devait être insupportable. Et puis, oui, insupportable. Et un soir, tout d'un coup, pendant le Festival de Berlin, nous avons joué le prince de Hombourg, j'ai senti que je le suivais. Oui. Parce qu'on ne peut que le suivre. Je le suivais, d'ailleurs, lui, il a senti, puisqu'il m'en a parlé après. Ça s'est fait d'un seul coup. Oui, mais je suis sûre que pour moi, ça a été une expérience très, très bénéfique. Et à partir de ce moment-là, vous vous êtes retrouvés tous les soirs, enfin. Oui, on s'est retrouvés tous les soirs. Parce que Gérard, en plus, change d'humeur. Il joue la comédie selon son humeur. Il est toujours le personnage, mais avec une humeur différente. Et vous savez qu'au TNP, il n'y a pas de décor, il y a très peu d'accessoires, et on change la mise en scène. Ce qui fait que des soirs, j'étais absolument bouleversée. Il avait l'habitude d'être à côté de moi, il était de l'autre côté. Villard a fait un peu comme ça aussi, d'ailleurs. Et ça, je suis sûre que ça m'a énormément aguerrie. Et malgré tous ces rôles, vous avez quitté le TNP. Pourquoi ? J'ai quitté le TNP parce qu'à l'époque, il ne pouvait plus offrir pour moi un très grand intérêt. Et Villard avait des projets de pièces où il n'y avait pas de rôle particulièrement intéressant pour moi. Et puis, en effet, il faut croire que j'aime toujours tenter de nouvelles chances quand elles se présentent à moi, il faut bien le dire. Vous avez eu une nouvelle chance. Oui, j'ai eu une nouvelle chance parce que Simone Berriot, qui m'avait vu jouer dans les caves du Vatican, m'a demandé de jouer Belle de jour, une pièce tirée du roman de Kessel par Philippe Heria. L'affaire ne s'est pas faite, mais elle a tout de même pensé à moi un mois après et m'a demandé de jouer L'heure éblouissante. Ah, L'heure éblouissante, vous avez eu pour ce rôle une presse extraordinaire et je crois que l'on peut compter ce rôle comme un des tournants importants de votre carrière, car il vous a fait connaître d'un public nouveau. En tout cas, d'une oui. partie du public qui ne fréquente peut-être pas la comédie française, le TNP. Et puis la presse s'est emparée, à juste titre, du tour de force que vous avez effectué quelques jours après la Générale, en remplaçant au pied levé Suzanne Flon, et en jouant les deux rôles féminins de L'heure éblouissante. Oui, j'avais d'abord refusé à Simone Berriot de le faire, mais le metteur en scène, Fernand Ledoux, m'a décidé. Je connaissais très bien Fernand, parce que j'avais travaillé avec lui à la comédie française. Il avait été mon metteur en scène dans Tartuffe. Et il m'a dit que je pouvais le faire, qu'il avait confiance en moi. Et c'est pourquoi j'ai tenté cette chance. Et en plus de ça, il faut aussi que je dise que les jeunes comédiens à la Comédie Française sont quelquefois, et même assez souvent, appelés à accomplir ce genre de tour de force. On n'en parle pas, mais il arrive très souvent qu'un acteur remplace un sociétaire, par exemple, en 48 heures, dans un rôle très, très important. C'est peut-être même une chose que vous aviez déjà faite avant. Oui, je l'avais déjà faite, oui, pour les temps difficiles. Mais dites-moi, vous ne nous parlez pas de votre talent de chanteuse. Il me semble bien que dans L'heure éblouissante, vous chantiez une chanson. Oui, oui, mais mieux vaut n'en pas parler. Ah, bon, écoutez, si. Nous n'en parlons pas, mais écoutez. Espéré, tant attendu, un beau soir tu m'es apparu. Bon voyageur, d'où venais-tu? Tu m'as donné toute la nuit, mais lorsque le soleil a lui et que j'ai repris mes esprits, mon amour, tu étais parti. L'amour s'en vient, l'amour s'en va, bonjour, bonsoir, bel étranger. L'amour s'en vient, l'amour s'en va, il m'a laissé de quoi rêver, de quoi rêver. Mon amour, tu étais parti, mais j'ai gardé cette chanson pour la chanter toute la nuit avec un autre beau garçon. Dans ses bras, je retrouverai le plaisir que tu m'as donné, et c'est ainsi que j'oublierai le souvenir de tes baisers. L'amour s'en vient, l'amour s'en va, bonjour, bonsoir, bel étranger. L'amour s'en vient, l'amour s'en va, et ma chanson ne finit pas, ne finit pas. Et ma chanson ne finit pas, ne finit pas. Et votre rencontre avec Jean Marais, l'estimez-vous un des tournants de votre carrière? Ah oui, c'est un très grand tournant pour moi. C'est un très grand tournant parce que grâce à Jean, j'ai pu jouer des pièces que j'avais envie de jouer. Et je dois dire que c'est très rare, ça arrive très rarement à une comédienne qu'un monsieur qui a un théâtre à sa disposition lui dise « Écoutez, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de jouer ?»« Bah, telle et telle pièce, bah, c'est oui, d'accord, c'est on vous la montre. » Et nous allons demander à Jean Marais quelles sont les raisons qui l'ont fait choisir Jeanne Moreau pour l'associer à ses projets de théâtre. Eh bien, la première fois que j'ai vu Jeanne Moreau, c'était à la Comédie Française. Elle jouait une prostituée dans les caves du Vatican, d'André Gide. Et je l'avais trouvée admirable. Puis ensuite, je l'avais perdue de vue. Et un jour, je tournais dans le dortoir des Grandes. Et il y avait un rôle de servante d'une auberge très modeste où qu'elle interprétait. Et j'ai été tout de suite étonné et sidéré de la présence de Jeanne Moreau et de sa vérité et de son physique que je trouvais très beau. Ensuite, j'ai retourné un film avec elle qui était Julietta, où alors j'ai été pour beaucoup dans son engagement, parce qu'on me l'a proposé et j'ai dit oui tout de suite, puisque j'avais constaté ses grandes qualités. Et dans Julietta, j'ai rencontré ce qu'on trouve très rarement au théâtre. J'avais rencontré seulement ça une fois avec Yvonne Debray, qui était un contact entre l'actrice et l'acteur très rare. C'est-à-dire qu'on oublie, par les réactions de sa partenaire, on oublie qu'on joue, on lui répond. Et ça devient beaucoup plus vrai, beaucoup plus naturel. Or, quand j'ai rencontré ça chez Jeanne Moreau, je n'ai plus qu'une idée, c'est de me l'attacher au théâtre. Nous avons parlé de théâtre, nous avons fait des projets, et elle était en principe d'accord, et elle m'a dit, entre autres, dans les pièces qu'elle aimerait jouer Pygmalion. Je lui ai dit, alors si tu viens avec moi au Bouffes Parisiens, puisque je devais prendre la direction artistique des Bouffes Parisiens, je lui ai dit, écoute, je te montrerai Pygmalion. Et ce que j'ai fait, d'abord je lui ai demandé de créer d'abord la machine infernale, le rôle du sphinx. Elle a accepté très gentiment, elle était merveilleuse, une grande tragédienne dans ce rôle. Et dans Pygmalion, elle est ce que vous avez dû voir vous-même, une très grande actrice, et elle montre une grande variété de son talent. Elle est à la fois dramatique, vulgaire, élégante, commune, distinguée, comique, elle est tout à la fois. Et j'ai une grande admiration pour elle et je suis très heureux de l'avoir avec moi et j'espère qu'elle restera le plus longtemps possible. Eh bien, Jeanne Moreau, nous avons évoqué votre carrière depuis cette représentation de Phèdre dans laquelle vous avez vu Marie-Belle, cette représentation qui, en somme, a déclenché tout le mécanisme. Mmh. Est-ce que actuellement vous ne regrettez rien? Est-ce que vous estimez que vous avez suivi la bonne voie en écoutant cette espèce de mécanisme à ce moment-là? Oh oui, et d'ailleurs, j'aurais mauvaise grâce à ne pas le reconnaître. Je serais vraiment ingrate parce que je peux dire que je suis parmi une des comédiennes les plus favorisées. Enfin, nous avons parlé des chances qui se sont présentées devant moi. En fait, maintenant, je ne peux plus envisager de faire autre chose au point où j'en suis de ma carrière. Ça fait 7 ans que je fais ce métier. Je dois dire que quand j'ai débuté, je m'étais donné 10 ans. Et il y a une chose très particulière, c'est que l'amour que j'éprouve pour le théâtre, en général, les comédiens éprouvent pour le théâtre, varie ou tout au moins évolue au fur et à mesure que les années passent. Au début, on veut faire du théâtre pour des raisons particulières, assez obscures et sentimentales. Enfin, pour une jeune fille, par exemple, pour une adolescente, un désir d'absolu, vivre ce qu'on n'espérerait pas vivre autrement, peut-être un peu d'exhibitionnisme. Puis à partir du moment où on est dans la carrière, où on gagne sa vie, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un métier mm-hmm. et que nous en vivons, il y a l'ambition. Mais l'ambition a toujours existé, elle existe toujours, mais elle se teinte de façon différente. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand je parlais de théâtre avec mes camarades au conservatoire et quand j'entends parler des élèves du conservatoire, j'ai l'impression que nous ne parlons pas de la même chose. Eux en sont à l'embryon. Nous jouons des rôles entiers, eux jouent des scènes. Alors, pour eux, ils rêvent de jouer des pièces entières, peu importe ouais. où et peu importe comment. Alors que quand on joue la comédie, on devient difficile, on choisit. Et on choisit pour quelle raison? Non pas seulement d'une façon absolue, par désir artistique, mais aussi parce que nous ne sommes pas les seuls. Nous avons des témoins, nous avons des camarades qui jouent avec nous. Enfin, c'est-à-dire que la lutte commence. Mm-hmm. C'est pas, je ne parle pas d'argent en ce moment. Mm-hmm. Mais en plus de l'ambition artistique, il y a un désir de prouver et de tenir. C'est ce qui est le plus dur, je crois, pour les comédiens. C'est de tenir, quoi qu'il arrive. C'était « Les clés du succès », une émission de Paul Bodin et Marcel Mitois, réalisée par Jean Chouquet. Une vie, une carrière. Aujourd'hui, Jeanne Moreau, présentée par Jean-Claude Michel et Paul Emmanuel.